The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Have. Avoir. Ache. Le mal. Head. La tête. Again. Encore. To want. Vouloir. Now, a bit faster. Head. La tête. Again. Encore. To want. Vouloir. Have. Avoir. Head. La tête. Ache. Le mal. Head. La tête. Again. Encore. To want. Vouloir. Now, use the words in context. Avoir. I have a dog. J'ai un chien. Le mal. I have a headache. J'ai mal à la tête. La tête. I have a headache. J'ai mal à la tête. Encore. My stomach hurts again. J'ai encore mal au ventre. Vouloir. You want a solution. Tu veux une solution. Avoir. I have a dog. J'ai un chien. Encore. My stomach hurts again. J'ai encore mal au ventre.